la vie, beauté, espoir, l'amour, la plus jolie, c'est la philosophie. Je t'aime et tu m'aimes. Notre amour est merveilleux. Je t'aime et tu m'aimes. Viens, chérie, soyons heureux. We'll be right back.